C'est le temps du commentaire de disque de la semaine. Commentaire de disque que vous pouvez lire sur les sites de Centrare, www.centrare.qc.ca ou encore québecpop.com, ainsi que sur ma page Facebook de Canrock. Cette semaine, c'est un album, un EP, depuis longtemps qu'on attend ce EP-là. Shock Value de Spiral Jones, groupe de musique fusion jazz de la région de la capitale nationale. À mi-chemin entre le jazz fusion et le rock progressif, Donald Prince, le leader de la formation et réalisateur du disque, nous offre 5 pièces remplies d'énergie et de mélodies accrocheuses qui rendent justice au style musical très comparable au légendaire groupe Uzeb. J'aime bien « Good to go » qu'on va entendre dans quelques instants, qui dresse bien la table. Les keys aux effets de reverb sont très intéressants et c'est très percussif. Voici « Good to go » Spiral Jones. We'll be right back. y a deux pièces maîtresses sur ce EP. Premièrement, celle qu'on va entendre dans quelques instants, Shock Value, qui en est une grâce à son jazz fusion, qui est presque à proximité d'un rock progressif percutant. Encore là, la belle dualité entre les claviers du regretté Guy Leblanc et la basse de Donald Prince donne toute l'énergie de la chanson. Beaucoup de phrases musicales s'entrecroisent pour former un tout fort réussi. Il y a aussi Prefab Swill, qui est la pièce ultime de l'album, un univers très mécanique, presque robotique, qui vient nous posséder, avec encore une fois des structures musicales très, très, très riches. Donc, je vous donne une adresse pour découvrir l'univers. Il s'agit d'aller sur Facebook et vous faites Spiral Jones, SpyralJones. Spiral Jones, très, très bonne pièce. Voici la pièce titre de leur EP. Ça s'appelle tout simplement Shock Value, Spiral Jones. Thank you. Thank you. Si vous valsez entre le jazz fusion et le rock progressif, si vous aimez les structures musicales complexes mais donc intéressantes, si vous recherchez un son percussif intéressant qui vous donne une énergie tribale, eh bien, ce petit EP sera pour vous un trésor. Ça trouvera sûrement une bonne place dans votre discothèque. Ce produit Jazz Fusion, eh bien, vous pouvez peut-être le retrouver en visitant leur site Internet. Vous pouvez aller sur facebook.com/SparrowJones, SparrowJones. Donc, très, très, très bon album. Si vous aimez ce style-là, genre Uzeb et compagnie, vous allez aimer Sparrow Jones. On va se quitter avec une pièce qui, à l'époque, dans les années 90, était très populaire avec le groupe. À l'époque, c'était « Say Yes to Gun Control ». Maintenant, on appelle ça « Say Yes to Arm Control ». Voici S-Y-T-A-C, Sparrow Jones. entendez Yes to Arm Control, Spiral Zone. Si vous aimez ce style de musique-là, eh bien, on va commencer notre bloc de l'Est Québec-Ontario avec une chanson souvenir. C'est tiré d'une compilation qui avait sorti en 1992 du studio Onde Spirale. C'était Image 1 et il y avait différents styles de musique sur cet album-là. Et il y avait tout simplement le groupe Cybernétique qui nous offrait quelque chose d'assez exceptionnel. Ça s'appelle tout simplement Toumalak. Toumalak, Toumalak, Attack, Toumalak, Toumalak, Attack, Toumalak, Toumalak, Attack, Toumalak, Toumalak, Attack, Toumalak, Toumalak, Attack, Toumalak, Toumalak, Toumalak, Toumalak, Toumalak, Toumalak, Toumalak, Toumalak, Toumalak, Toumalak,